valeur. Le pays de Candy, comme dans tous les pays. Sa naze, on défend pas son quartier, mais sa ville en entier. Notre centre-ville, c'est les chantiers, les boîtes intérim, nos équipes entiers. Tu suis pour des sous, STX, Airbus ou la RAF. À la sous-préf, ça pète après les manifs quand y'a plus de taf. Comme partout, on a les vieux keufs qui picolent en scred. On subit l'invasion des jeunes flics facés, rasons skinhead. Les commerces ferment déjà au ruban bleu. Les petits sont commerçants dans le shit lacé ou bien la bœuf. Alimentent les soirées des tonus du fort de lèvres. Marre d'être élève, ils causent fort un spliff entre les lèvres. Y'a plein de logements sociaux, y'a plein de cassos. Les HLM à sa naze ont fleuri comme des blocos. Trop de pépins. Quand ils ont ni les balles ni le peupon, la tête polluée comme l'estuaire, ils sautent du pont. Notre ville détruite et reconstruite par les amerlocs. Les vitrines nous reluquent, ils en veulent à nos allocs. Avenue de la Rep, les jeunes sont les bras en cloque. Sa naze, c'est plus l'époque du petit Maroc. Avec la grosse voix là. Depuis toujours, l'homme consomme toutes sortes de drogues. Pour se soigner ou pour son plaisir. Saint-Nazaire, mentalité de punk et docker. Même sous le silo à la soucoupe, y'a pas d'homme vert. Saint-Nazaire, avant de parler, ça crache un glaire. Ça clash la gloire, même sous foncé, ça tripe en classe affaire. Saint-Nazaire, mentalité de punk et docker. Même sous le silo à la soucoupe, y'a pas d'homme vert. Saint-Nazaire, avant de parler, ça crache un glaire. Ça clash la gloire, même sous foncé, ça tripe en classe affaire. Eh One shot. Ma ville une zup, ils disent qu'elle est naze depuis des années. La BAC, c'est pas pour rien que c'est à Sanas qu'elle est née. Après une soirée au VIP, les Schmitt sont la porte serrée. Dors pas en garde à vue, sinon demain tu peux plus mâcher. Tu veux voir les lunes, va au parc paysager. Reste pas après minuit, sinon demain tu peux plus marcher. Et tous les week-ends, y'a la queue au balto et la prière pas le trap. On met le bal à la boule, la caillasse passe à la trappe. Le lundi à bord, ça se gratte les burnes, même les femmes de ménage. Ça parle de beuverie de foot, de scène de ménage. Carnage, à 30 ans, ils ont une vie de merde sans aucun remords. Se retrouvent au pied du mur, ils sont déjà morts. Métallurgie, ça rime avec Saint-Nazaire. Les jeunes d'ici en font des allergies, veulent changer d'air. En attendant que ça dérape, ils passent au carrefour comme au Kofi. Surveille le bis d'une terrasse de café, pense au profit. This is Houston. Say again, 7. We have a bogey at 10 o'clock high.